dîne chez nous, marque déposée. Effet secondaire, longue durée. Arme discrète pour les larmes secrètes des enfants dans la guerre. Série noire pour foudroyer la rouge sang pour nettoyer c'est beau c'est grand quand la photo s'écaille sur un rêve de 8 ans. Le petit prince brisé m'a montré un éclat de métal signé en français, Barbour Kaki, mission OK. Cadeau paré a explosé. Maman, j'ai froid, j'ai mal, maman. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Et il donne, mon pays, il donne des leçons sur les droits de l'homme. Mais le petit prince brisé m'a montré un éclat de métal signé en français, en français. Et il est là, mon petit père qui a mal, chancelant sur ses jambes de métal. Merci.